tu m'as ensorcelé. Dès que nos regards se sont croisés, je me suis sentie électrisée, foudroyée. J'étais emparée de mes envies, comme si j'étais la femme de ta vie, de ta vie. Je dis quoi que je fasse, mais je ne pouvais pas rester de glace. Le temps me pouvait s'empêcher de penser, de vibrer, de bouger. À l'idée de caresser ton corps, j'aimerais pouvoir te le dire encore. Combien je t'aime à jamais. Tu m'as ensorcelé. Comme si jamais rien ne pouvait me délivrer, ensorcelé.